Alors cet épisode, c'est le début d'un cycle philo de plusieurs épisodes sur des auteurs que j'ai étudiés en cours. Parce que je me suis rendu compte que je voulais pas être un disque dur. J'ai emmagasiné un tas de connaissances dans mes études, des trucs trop intéressants qui peuvent aller au-delà de juste étudier un auteur ou une pensée ou un livre. Et je me dis, bah, faut en faire un truc, faut pas que je les laisse dans des classeurs fin fond d'un placard que je réouvrirai jamais. Donc ça, c'est les prochains épisodes vont être par rapport à des cours, mais je vais en faire aussi, je pense, sur des lectures personnelles au fur et à mesure. Voilà, moi j'espère que ce sera compréhensible. Alors cet épisode, c'est sur Hannah Arendt et plus précisément Eichmann à Jérusalem. Et c'est comment elle apporte un regard novateur sur ce procès qui a lieu en 61. Parce qu'en fait, c'est un procès qui va cristalliser des deux côtés des positions extrêmes. D'un côté, on a Eichmann qui s'est toujours déclaré non coupable dans les termes de l'accusation. En fait, il va jamais changer de cap, il va toujours dire qu'il a fait que son devoir, qu'il a répondu à des ordres, qu'il aurait été impossible de désobéir. Et en face, l'accusation, et disait que non, qu'il était toujours possible de désobéir à des ordres illégitimes, et même que si Eichmann a fait ce qu'il a fait, c'est parce que, je cite une sentence, il souscrivait de tout cœur aux ordres qu'il recevait, et que leur but abominable répondait à ses désirs les plus ardents. Et du coup, Hannah Arendt, elle va s'écarter de cette position de l'accusation qu'elle trouve extrême, mais elle va jamais douter de la culpabilité d'Eichmann. En fait, elle va juste demander, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'un homme revendique de n'obéir qu'à des ordres? Et elle va avoir cette formule qui a été très critiquée à l'époque et qui a été perçue comme une volonté d'exonérer la culpabilité d'Eichmann. Elle va dire que Eichmann ne s'est jamais rendu compte de ce qu'il faisait. Et en fait, en disant ça, qu'il s'est jamais rendu compte de ce qu'il faisait, elle veut juste exprimer elle veut juste montrer l'incapacité de juger d'Eichmann. En fait, Eichmann devient ce qu'elle appelle une pure absence de pensée. Il est incapable de voir le mal, il est incapable de voir qu'il ne respecte pas le commandement qui dit « tu ne tueras point », un commandement dans lequel il a grandi. Et du coup, au contraire en fait, avec cette idée-là, Eichmann est doublement coupable de sa participation au génocide et d'avoir sciemment refusé de penser. Et du coup, en ces termes, Hannah Arendt, elle va parler de banalité du mal, c'est-à-dire que le mal, quand le mal s'impose sans réaction, dans l'indifférence. Et en fait, c'est ça, c'est parce que pour Eichmann, il était de son devoir d'obéir inconditionnellement à la loi, en tant que citoyen. Et c'est ça, c'est inconditionnel, c'est genre le gouvernement totalitaire qui incite les hommes à ne pas désobéir, qui les incite à être soumis aux injonctions de manière aveugle, et qui crée des hommes qui ont perdu toute capacité critique. Et un des apports assez importants d'Anna Arendt, c'est voir comment en fait cette notion de loi elle est pervertie par le totalitarisme. Parce qu'il y a une confusion totale entre la loi impersonnelle, qui est générale, qui s'applique à tous, et la loi incarnée, qui est un ordre de l'extérieur. En fait, les paroles du Führer avaient force de loi. Et c'est pour ça que pour Eichmann, voilà, il devait obéir inconditionnellement à la loi. Et en fait, ce que souligne aussi Hannah Arendt par rapport à Eichmann, c'est que c'était pas un petit fonctionnaire dans le rouage. Il ne pouvait pas ne pas savoir ce qu'il faisait, enfin. C'est lui qui coordonnait les trains, il s'est rendu sur les lieux d'extermination. Mais dans ses procès, ce qu'elle voit, c'est que ce que lui dit, c'est que voilà, moi, il aurait eu mauvaise conscience s'il n'avait pas obéi aux ordres. Et du coup, ça rejoint quelque chose qu'elle définit dans un autre ouvrage qui s'appelle La crise de la culture. En fait, elle définit la crise comme ce moment où une décision doit être prise parce que la tradition ne suffit plus à assurer la continuité dans la vie ordinaire. En fait, il y a un changement Et du coup, tu peux pas te reposer sur ce que tu sais déjà, sur la routine. Faut que tu réfléchisses, parce que les réponses, elles sont pas données. Et du coup, en fait, il y a une disparition de ce qu'elle, elle appelle le sens commun. C'est la manière habituelle, traditionnelle qu'on avait d'agir. En fait, elle, ce qui va l'intéresser, c'est cette idée de mentalité élargie qu'elle retrouve chez Kant. L'idée qu'un sens commun est possible quand on pense par soi-même en se mettant à la place de tout autre. Et en fait, voilà, c'est ça. Pour Hannah Arendt, pour former un jugement moral, on doit passer par l'élargissement, c'est-à-dire qu'il faut confronter son opinion à celle des autres et en avoir une réflexion. Et si Eichmann ne réfléchit pas, c'est parce qu'il ne se met pas à la place des autres. Et du coup, pour Hannah Arendt, le sens commun, c'est cette capacité, au moment de prendre une décision, de se demander que ferait un autre homme. Et c'est ce sens commun qui est fragilisé par les régimes totalitaires qui transforment, enfin qui créent un espèce d'homme unique, ce qui empêche la pensée élargie et c'est un espèce de, et c'est, voilà, c'est cet antipolitisme qui forme la banalité du mal. Et en gros, Eichmann est l'exemple paradigmatique d'un homme endoctriné qui n'est pas radicalement méchant, mais mécaniquement mauvais, sans pour autant le disculper.